Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et animée par l'équipe de programmation scientifique du PPR Autonomie. Je m'appelle Marie Assaf, je suis chargée de l'animation scientifique et je serai votre hôte ce midi et non pas ce soir comme d'habitude. Je suis accompagnée par notre régisseur Marcel Duchemin qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique et côté interprétariat et LSF. Nous sommes avec les équipes de SILS, et comme pour la dernière émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo du studio Bleu Renard. Et quant à vous, chères spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire, donc n'hésitez pas à poser des questions et à discuter. Alors, la première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « Le cœur et le droit, le handicap dans la société japonaise » de la spécialiste en études japonaises, donc Anne-Lise Mitou, qui a été publiée cette année aux éditions Hermann. Et la seconde partie de l'émission prendra la forme d'une table ronde et nous accueillerons deux autres invités, Ivanka Guillaume, qui est doctorante en sociologie du Japon contemporain à l'INALCO. Et donc sa thèse porte sur les revendications du milieu associatif handicapé et militant féministe. Et Laetitia Rebord, qui est père aidante professionnelle, conférencière, coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Laetitia est également membre du collectif anti-féministe et anti-validiste Les Dévalideuses. Et nous avons déjà eu le plaisir de la recevoir lors de notre émission sur l'accompagnement des personnes handicapées autour du livre d'Olivia Gross « Vers une modélisation de l'autonomie ». Vous pouvez revoir donc sur notre chaîne. Nous échangerons sur les échos de l'expérience de vie des personnes handicapées au Japon, telle que présentée par Anne-Lise. Et on s'intéressera plus particulièrement à la question des mobilisations pour les droits et le rapport à des politiques eugénistes. Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Anne-Lise, s'il te plaît ? Bonjour Anne-Lise. Non, pas bonsoir. Je suis ravie de te recevoir pour parler de tes travaux sur l'histoire des politiques et des mobilisations des personnes handicapées au Japon. Car avant de commencer, je vais t'introduire un peu, puis je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Donc, tu es maîtresse de conférences en études japonaises à l'Université Paris-Cité et tes recherches portent sur la place des personnes handicapées dans la société japonaise. Tu t'es intéressée aux thématiques de l'éducation, du travail ou encore des mouvements militants et des représentations du handicap dans les médias et le cinéma. Et la dimension intersectionnelle, donc je précise simplement pour nos auditeurs, c'est-à-dire les liens tissés entre différentes formes d'oppression, occupe également une place importante dans tes recherches, en particulier le croisement avec le genre. Et outre le livre dont nous allons parler aujourd'hui, tu as publié différents articles autour du sujet en anglais et en français. Tu veux ajouter quelque chose ou non ? Peut-être je peux simplement préciser que je suis actuellement en séjour de recherche au Japon et donc je suis rattachée pour le moment à l'université de Waseda qui se trouve à Tokyo. C'est vrai que c'est important parce que c'est la dimension internationale de ce live, voilà, que tu apportes et que nous testons aujourd'hui avec toi et qui explique le décalage, puisque Adelise a un décalage horaire de 8 heures. c'est ça? Je crois que c'est 8 heures avec le Oui, Japon. c'est ça. Il est déjà un Voilà. petit peu tard pour moi. Il est déjà tard pour toi. Merci. Merci de rester avec nous. Je vais rapidement présenter ton livre avant notre discussion à suivre. Donc, Le cœur et le droit, balaie dans sa première partie, près de 1300 ans d'histoire, de politique à destination des personnes handicapées, mais aussi de leur mobilisation. Et on y voit se jouer des dynamiques un peu semblables à ce qui peut se passer dans d'autres pays, dont la France qu'on évoquera plus tard, mais aussi le Royaume-Uni ou les États-Unis, avec un accent mis entre une association entre le handicap et la charité et un rôle important qui peut être tenu par des institutions religieuses, par exemple. Mais il y a aussi, tu explores plein d'autres thèmes et beaucoup d'exemples, tu développes des exemples très précis, dont un qui, moi, m'a un peu marqué. Celui des Biwa Oshi. Alors, je l'ai déjà précisé à Ivanka et Annelise qui, elles, sont bilingues en japonais. Moi, je ne parle pas japonais, donc je m'excuse par avance de ma prononciation des termes. Il faudra pas hésiter à me reprendre. Donc, les Biwa Oshi, sont des musiciens aveugles organisés en guildes et chargés d'animer des rituels religieux et qui ont bénéficié d'un statut particulier à travers les siècles. Et donc, ton ouvrage propose de répondre à une question. Quelle place a été accordée à une minorité considérée comme différente, au sein d'une population que tu décris comme extrêmement homogénéisée? Donc, le récit autour des politiques eugénistes et leur impact sur la mobilisation des droits des personnes handicapées est à ce titre, très parlant. Et la seconde partie de l'ouvrage, qui elle est plus articulée autour de tes terrains de recherche et autour de thématiques, autour des thèmes, pardon, de l'éducation et de l'emploi, vient enrichir cette histoire et témoigne des réussites et des limites des mouvements pour les droits des personnes handicapées japonais. Qu'on va maintenant parler un peu plus précisément de ton travail afin de bien comprendre le contexte dans lequel tu l'as construit, les questions et méthodes qui t'ont guidé, la littérature pardon, scientifique qui t'a accompagné et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Donc, je vais te poser quelques questions et j'invite les spectatrices et spectateurs à faire de même dans le chat. J'ai envie de commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a conduit à étudier le sujet du handicap au Japon? Et question subsidiaire, comme je l'ai précisé, la première partie de ton ouvrage est une approche socio-historique qui articule échelle micro et macro, et la deuxième partie est plutôt thématique, donc tu adoptes une méthode un peu hybride. Est-ce que tu peux revenir sur cette démarche et le sens que tu lui donnes? Alors pour ce qui concerne ce qui m'a amené à m'intéresser à ce thème du handicap dans la société japonaise, donc comme tu l'as dit, je me rattache à un champ d'études qui s'appelle justement les études japonaises, donc dans lequel on explore la société et la culture du Japon à travers plein d'aspects différents. Et donc effectivement, moi ce qui m'intéressait au départ, avant de commencer ma thèse, c'était de sortir justement, de déconstruire un petit peu cette image qu'on a parfois du Japon comme étant une société dans laquelle l'homogénéité de la population est importante, comme étant une société dans laquelle il y aurait beaucoup de normes qui s'imposeraient aux individus. Et donc j'avais envie de regarder un petit peu quelle est la place qu'occupent dans cette société des personnes qui ne correspondraient pas exactement aux normes, avec l'idée évidemment que ces normes peuvent évoluer au cours du temps. Et donc, comme je connaissais par ailleurs la question du handicap visuel, en fait, au départ, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au handicap. En fait, au départ, j'ai fait ma thèse sur l'éducation des enfants déficients visuels, et c'était une thèse qui portait pas uniquement sur le Japon, parce que c'était une comparaison avec la France. J'avais fait un travail de terrain aussi en France. J'ai travaillé un petit peu dans une école spécialisée en France. Et donc ensuite, je suis partie au Japon pour faire un petit peu la même chose. Et ma thèse, c'était le produit de la comparaison. Et puis finalement, après la thèse, j'ai un petit peu laissé de côté la partie française de la recherche et je me suis concentrée essentiellement sur le Japon, mais cette fois-ci avec aussi d'autres sujets que l'éducation. Et donc pour ce qui concerne la deuxième partie de ta question pour la démarche historique, ben en fait je dirais que ça fait partie c'est un petit peu au cœur, je crois, de notre discipline qui est les études japonaises, ce qui est un peu peut-être bizarre en termes de rattachement disciplinaire, mais en fait, dans ce champ d'études, je crois, on accorde une assez grande importance à l'histoire parce que, en fait, le discours qu'on peut souvent entendre et avoir sur le Japon et que peuvent même avoir des personnes qui sont elles-mêmes japonaises, c'est souvent un discours qu'on pourrait dire culturaliste, donc un discours dans lequel on dirait le Japon est très spécifique et la culture japonaise c'est telle chose, et on va avoir tout un champ de la littérature sur le Japon qui fait exactement ça, qui dit les Japonais pensent de telle manière et la culture japonaise c'est comme ça. Et donc, en fait, l'histoire est importante pour justement sortir un petit peu de ce discours, pour déconstruire ce qu'on entend par la culture japonaise et pour essayer de dire que telle chose n'est pas le produit de la culture, comme ça, de manière un peu floue, mais ça, c'est que beaucoup de choses qui caractérisent la société japonaise d'aujourd'hui sont en fait le produit d'une histoire, et souvent le produit d'une histoire politique, par exemple. Donc, c'est une manière, en tout cas, de remettre un petit peu des faits au cœur de la discussion plutôt que de se contenter d'une approche par la culture. Donc, voilà, c'est ça qui m'a guidée dans cette démarche un peu socio-historique. Super, merci beaucoup. Et peut-être pour faire un peu écho à ce que tu viens de dire, et c'est vrai, moi, les livres que j'ai pu lire aussi, certains sur le Japon, c'est très le Japon entre tradition et modernité, qui est un peu la marotte qu'on avance dans l'approche culturaliste de ce pays. Dans ton livre, tu reviens en détail sur la construction des politiques à destination des personnes handicapées au Japon et à la première lecture. Ce qui m'a surpris, ce qui va peut-être un peu à l'encontre de ce que tu viens d'expliquer, je trouvais que le cas japonais semblait pas totalement se distinguer de ce que moi je peux connaître d'autres pays occidentaux en ce qui concerne la prise en charge et la définition de la catégorie du handicap. Je m'explique, par exemple, le handicap traditionnellement a été défini par rapport à la capacité ou plutôt l'incapacité à travailler, partant du principe que les personnes handicapées ont le droit de ne pas travailler et dépendent de la charité, souvent issue de leur famille. Donc toi, c'est ce que tu appelles la logique du cœur. Et c'est intéressant parce que tu développes le fait que c'est un champ lexical qui revient dans la vie administrative des personnes handicapées japonaises, comme la dénomination de la carte d'invalidité. Alors, le nom japonais étant Shogayasha Teisho, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, tu reprendras, rebaptisé carte de l'amour pour le handicap mental. Donc, est-ce que tu peux revenir sur les origines sociales et politiques de cette logique qui se couvre, je trouve, d'une teinte un peu particulière là, autour de ce vocabulaire de la logique du cœur hein, au Japon. Est-ce que l'on peut parler de toi tout de même d'une spécificité japonaise dans la prise en charge du handicap et comment ça se déploie, ça se manifeste, cette logique du cœur dans le quotidien des individus? Alors, oui, voilà, en fait, je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait que finalement, peut-être que dans le contenu des politiques du handicap ou de la vie des personnes handicapées, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très spécifiques au Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont, en tout cas dans ce qui existe aujourd'hui, qui sont relativement proches de ce qui existe en France. Mais peut-être une chose qui serait un peu spécifique, ça serait l'enrobage, et parfois l'enrobage extraordinairement sentimentalisant qui est fait autour de ces questions. Alors, je pense que la sentimentalisation du handicap, elle existe aussi dans d'autres pays, mais il me semble qu'au Japon, elle est très poussée. Et donc, en fait, peut-être je peux expliquer en un mot pourquoi j'ai choisi ce titre pour mon livre, pourquoi je voulais absolument faire figurer le mot « cœur » dans le titre. En fait, c'est parce que vraiment, visuellement, dans beaucoup de choses qui relèvent de la communication publique autour des politiques du handicap au Japon, on a des cœurs, c'est-à-dire des dessins, des choses en forme de cœur, un visuel avec des cœurs ou alors des mots qui évoquent l'amour, effectivement. Peut-être le cas le plus particulier, c'est le cas de la carte d'invalidité que tu évoquais dans le cas du handicap mental. Mais on a aussi, par exemple, le sécogramme, le timbre qui permet la gratuité des frais postaux pour les aveugles. Ça, en japonais, ça s'appelle aimoshiru. Donc, littéralement, ça veut dire c'est le sceau d'amour des aveugles. Donc, il y a le mot amour qui apparaît là aussi dans cet endroit. Donc, on a comme ça plein d'exemples. On a aussi la loi pour l'accessibilité des bâtiments qui s'appelle la loi Hato-Biru. Et donc, Hato, bah, c'est le cœur. Donc, c'est la loi pour des bâtiments qui ont du cœur. Et bien sûr, les bâtiments, après, sont marqués avec un logo en forme de cœur. Donc, en fait, le cœur est absolument partout dans les visuels et dans le vocabulaire. Le vocabulaire de l'amour est très présent dans la communication autour du handicap. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser ce terme de logique du cœur. Et en fait, si on veut peut-être déconstruire un tout petit peu ce qu'on entend par là, en fait, je pense qu'il y a un petit peu deux choses différentes. D'un côté, on a peut-être la partie qui concerne les politiques publiques, et ça, j'en parle plutôt dans la première partie de l'ouvrage, les politiques, enfin la prise en charge publique du handicap. Avant l'émergence de l'État-providence, elle a été beaucoup marquée par les institutions bouddhiques, donc dans lesquelles la valeur de la compassion envers les plus faibles était une valeur très importante. Et donc, je pense que ça a marqué d'une certaine manière la manière de considérer les personnes handicapées dans la société en tant qu'objet de compassion. Après, la compassion bouddhique a été remplacée un petit peu plus tard dans l'histoire plutôt par la charité chrétienne, mais enfin, on reste un petit peu dans le même mécanisme. Donc, le côté charité-compassion, je pense, est visible dans la prise en charge, on va dire, publique du handicap. Mais il faut dire aussi que finalement, pendant très longtemps, cette prise en charge par les pouvoirs publics du handicap, elle était très faible, elle était très limitée. La plus grande partie de la prise en charge, elle se faisait au niveau familial. Et en fait, l'État n'avait vocation à aider que les personnes qui n'avaient pas de famille. Donc, pour la plupart des personnes, celles qui avaient une famille, toute la prise en charge était faite au niveau familial, sans aide publique particulière. Et donc, à l'intérieur du cadre familial, on a justement fait beaucoup appel cette histoire, cette idée du devoir d'assistance mutuelle entre des personnes qui appartiennent à la même famille. Alors, selon les époques, la manière de définir les valeurs familiales a un petit peu évolué, mais en tout cas, à l'ère moderne, l'amour familial a été une valeur qui a été extrêmement promue au niveau politique. Alors, ça a touché surtout les femmes, hein, c'était surtout les mères de famille qui étaient les garantes de l'amour familial. Et donc, ça, c'est encore peut-être un autre aspect du lien entre le cœur, l'amour, les sentiments et la question du handicap. Donc, je pense que c'est ça qui caractérise finalement plus la prise en charge du handicap au Japon que vraiment le contenu des politiques publiques qui est probablement un petit peu le même qu'ailleurs. Mais c'est intéressant et c'est vrai que ça marque à la lecture de ton livre. Il y a un autre élément de distinction majeur, je trouve, c'est le rapport à l'eugénisme. Tu expliques que dans un souci nationaliste de sauvegarde de, je mets d'énormes guillemets, hein, la race japonaise, le pays a entrepris le développement de politiques de lutte contre des problèmes considérés comme héréditaires, donc comme l'alcoolisme, certaines formes de maladies mentales ou la tuberculose. Est-ce que tu peux donner des précisions sur ce cadre politique, en particulier, la série de lois sur la condition physique de la population votée en 1940. Je pense qu'en seconde partie, Ivanka pourra également compléter sur le sujet. Et quelles ont été les conséquences sur la vie des personnes handicapées dans la période d'après-guerre? En outre, j'aimerais revenir sur un lien très intéressant que tu tisses entre ce cadre politique et une autre thématique, donc celle des mouvements pour les droits des personnes handicapées. Tu évoques longuement donc, l'association Aoi Shiba no Kai. Je suppose que Aoi, ça veut dire cœur. Enfin, amour, je ne sais pas, peut-être. J'ai cru comprendre ça pour le mot que tu nous expliquais, mais je me trompe peut-être. Non, c'est quoi? C'est amour. Aoi, l'amour. Et Aoi, c'est bleu ou vert. D'accord. J'ai... Voilà, je me suis trompée. J'ai voulu tenter. Vous noterez que j'ai essayé. Je me suis sentie pousser des ailes sur ma capacité à comprendre le japonais, mais c'est pas grave. Pardon. Donc cette association et sa stratégie de mobilisation autour d'une pensée eugéniste intériorisée qui serait inhérente à la population et à la société japonaise dans son ensemble, pour désigner l'ensemble des formes de discriminantes dont sont victimes les personnes handicapées dans le pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet et la réalité du bilan dressé par les acteurs du mouvement? Alors déjà, je vais peut-être commencer par dire tout de suite que je ne suis pas du tout la meilleure spécialiste de l'histoire de l'eugénisme au Japon. Et donc pour les personnes qui seraient très intéressées par ce sujet, il faut que je les renvoie quand même vers le travail d'Isabelle Konuma, qui est professeure à l'INALCO et qui vient justement de publier un livre sur l'histoire de l'eugénisme au Japon. Donc je donne quand même le titre du livre, ça s'appelle « Eugénisme au Japon, politique et droit de 1866, de 68 à 1996 ». Mais bon, cette précision étant en fait, je peux quand même essayer de répondre à la question. En fait, les politiques eugénistes au Japon, elles sont arrivées en gros, enfin, les idées eugénistes sont arrivées au début du XXe siècle. C'est lié en fait au contexte de militarisation progressive du Japon. En fait, avant même la militarisation, c'est l'idée du développement national. Et donc, il y a toute une réflexion qui est engagée à cette époque sur la qualité de la population, l'idée de la qualité de la population étant comment développer la nation avec des personnes qui seront de bons travailleurs et de bons soldats. Et donc, pour améliorer la qualité de la population, il y a en fait deux volets qui sont assez différents. Il y a d'un côté toute la partie qui consiste à réfléchir sur la génétique, les gènes qu'on souhaiterait ne pas voir transmis à la génération suivante ou alors les gènes au contraire qu'on souhaite privilégier. Et donc, ça, c'est une réflexion qui amènera par exemple à la question de la stérilisation de personnes qui ont un certain nombre de maladies qui seraient considérées comme héréditaires. Mais en fait, ça, c'est pas finalement le volet le plus important avant-guerre. Le volet le plus important, c'est plutôt tout ce qui concerne une action sur l'environnement, parce que la qualité de la population, elle est liée aussi aux conditions de vie, aux conditions sanitaires, aux conditions de logement, à la nutrition. La nutrition est très importante aussi. Donc, il va y avoir toute une réflexion aussi sur comment améliorer les conditions de vie de la population pour que, à la génération suivante, on ait de meilleurs travailleurs et de meilleurs soldats. Donc, quand on parle de l'eugénisme d'avant-guerre, finalement, ça mêle plein de choses différentes et la question du handicap est finalement juste une toute petite partie de cet ensemble qui est assez large. Par contre, en 1940, on a effectivement une loi qui va passer, qui est la première loi eugéniste, disons au sens strict du terme, qui contient là effectivement un volet sur la question de la stérilisation des personnes handicapées. Mais en fait, pendant la guerre, cette loi, elle va pas être beaucoup mise en application. Il y a que quelques centaines de cas de stérilisation. Et donc finalement, c'est surtout en 1948, donc après la guerre, que une nouvelle forme de politique eugéniste va entrer en vigueur. Donc on va avoir une loi qui s'appelle la loi relative à la protection eugénique. Et donc cette loi, elle va avoir deux effets principaux. Le premier, c'est la ségrégation des lépreux, le fait de mettre les lépreux dans des endroits séparés. Et deuxième partie, donc la stérilisation d'un certain nombre de personnes en situation de handicap. La stérilisation peut être volontaire, mais elle peut aussi être éventuellement forcée. Et donc, on va avoir un certain nombre de stérilisations forcées qui vont être pratiquées, notamment dans les institutions spécialisées. Ça peut être pratiqué éventuellement sur des mineurs. Et donc, on a recensé à peu près 20 000 cas de stérilisation forcée. Et cette Cette loi, elle va faire l'objet, on en parlera certainement plus en détail en deuxième partie, mais elle va faire l'objet d'une mobilisation assez intense de la part des associations de personnes handicapées. Alors, la loi a été abolie en 1996, donc grâce à l'action du mouvement pour les droits des personnes handicapées. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas en 1996 au moment de l'abrogation de la loi, puisqu'en fait, suite à l'abrogation de la loi, il va y avoir tout un mouvement pour demander des compensations, pour demander réparation à l'État japonais pour le préjudice subi par les victimes de ces stérilisations forcées. Et donc, ce mouvement va mettre assez longtemps à se mettre en place, puisqu'il faut trouver des personnes qui accepteront de témoigner, qui accepteront de porter plainte. Il y a tout un travail qui a été fait entre les associations et des personnes qui acceptent de se déclarer publiquement comme victimes pour pouvoir lancer les procès. Et donc les procès ont duré assez longtemps. Et en fait, cette loi de 1948 a finalement été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême cet été, donc en 2024, enfin, l'été dernier. Et il y a eu un plan de compensation qui a été proposé aux victimes. Et donc, finalement, il a fallu attendre presque 30 ans après l'abrogation de cette loi et donc beaucoup de mouvements sociaux pour que vraiment les stérilisations soient reconnues en tant que préjudice. Merci beaucoup. J'ai cru voir passer ce matin une nouvelle, mais peut-être que pareil, Ivanka pourra nous renseigner un article du Japan Times sur une liste de diffusion sur le handicap où ils expliquaient que les premières compensations commençaient à être versées. Ça y est, enfin, il y avait une photo de personnes qui recevaient, puisque au Japon, on vous donne l'argent souvent dans des petites enveloppes comme ça. Il y avait quelqu'un qui commençait à recevoir les compensations que tu viens d'évoquer. Donc les mouvements que tu décris, dont tu parles dans ton ouvrage, se sont mobilisés contre l'eugénisme, se sont aussi mobilisés contre la logique du cœur que tu as décrit un peu plus tôt, pour défendre à la place une logique de droits universels. C'est l'autre partie du titre de ton ouvrage. Donc comment tu définirais cette logique de droit dont l'objectif principal était une lutte pour l'émancipation des personnes, et quels ont été les outils politiques mobilisés afin d'attirer l'attention sur le sujet du handicap? Alors oui, effectivement, donc le mouvement pour les droits des personnes handicapées, alors peut-être on peut le resituer dans le temps. En gros, le mouvement dont on parle, il s'est surtout développé dans les années 1960-1970. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait rien avant, mais c'est quand même un peu un tournant dans l'histoire des mobilisations autour du handicap. Et donc ce mouvement, alors à la fois, il a vocation à lutter contre les politiques eugénistes dont on a parlé juste avant, contre les discriminations envers les personnes handicapées de manière plus large. Et puis, en fait, il a aussi une vocation, on pourrait dire un peu d'organisation communautaire entre personnes handicapées. Donc, il faut replacer ça dans un contexte où, dans le Japon des années 1950-1960, beaucoup de personnes handicapées, en fait, étaient confinées à domicile parce que déjà, il n'y avait pas d'institution pour les accueillir, il y avait encore moins de services d'aide à domicile, il n'y avait pas forcément de matériel, par exemple, de fauteuils roulants ou de matériel nécessaire pour se déplacer, les infrastructures dans la rue n'étaient absolument pas accessibles. Donc, pour toutes ces raisons, la plupart des personnes vivaient en fait enfermées chez elles et ne sortaient jamais. Et puis, du côté des familles, il pouvait y avoir une peur aussi du regard des voisins. Donc, du coup, finalement, les personnes vivaient enfermées chez elles et donc très isolées. Elles n'avaient pas l'occasion de côtoyer d'autres personnes qui vivraient dans la même situation qu'elles. Et donc, le mouvement des personnes handicapées, donc avec cette association Aoi Shibanokai, elle a pour objectif déjà de faire se rencontrer des personnes qui partagent la même situation et petit à petit de développer des échanges qui vont devenir progressivement des échanges à teneur éventuellement politique. Et donc ensuite, bah, l'association va trouver des moyens d'action. Alors les moyens d'action, ça peut être beaucoup des choses qui vont se faire par écrit, par exemple avoir des journaux ou des magazines dans lesquels les contributeurs peuvent échanger des idées. Ça peut être aussi des mobilisations, par exemple auprès des collectivités locales pour réclamer des aides, par exemple justement pour vivre à domicile plutôt que d'être en institution. En tout cas de vivre à domicile hors de chez ses parents, par exemple. Et puis, il va y avoir aussi toute une mobilisation, en fait, à justement en opposition à ce que j'ai appelé la logique du cœur, c'est-à-dire en opposition, en fait, à cette dépendance à l'amour familial. C'est-à-dire que le discours des pouvoirs publics était beaucoup orienté vers le fait qu'il y a une responsabilité de la famille dans la prise en charge du handicap. Il y a notamment une responsabilité des femmes vis-à-vis de la prise en charge des enfants, y compris en situation de handicap. Et donc, ça pouvait créer évidemment des situations très compliquées à l'intérieur des familles, des situations de dépendance très forte entre les parents et les enfants, des situations de charge mentale aussi très importante pour les femmes, et en tout cas des situations dans lesquelles finalement les relations n'étaient finalement pas forcément très saines entre les parents et les enfants parce que bah, les enfants se retrouvaient complètement dépendants de choses que leurs parents auraient décidé pour eux et les parents n'avaient pas de relais, donc de toute façon ils ne savaient pas comment faire autrement, donc ça a amené des situations familiales extrêmement compliquées. Et donc du coup, un des objectifs d'Aoishiba no Kai, c'est d'essayer de sortir de cette prise en charge par l'amour, d'essayer de sortir de ce recours au sentiment pour aller plutôt vers un recours à l'aide des pouvoirs publics et surtout un recours à la reconnaissance des droits des personnes handicapées en tant que citoyen, en tant que membre à part entière de la société. Et donc, pour ça, on s'appuie sur des valeurs qui existent dans la constitution japonaise, c'est les valeurs de liberté, les valeurs de droit à la poursuite du bonheur, les valeurs d'égalité, de non-discrimination, etc. Donc, Aoishiba no Kai va aussi va faire appel à un arsenal juridique aussi, à certains moments, pour faire valoir ses revendications. Je te remercie et ça fait écho à ce qui a pu arriver dans d'autres pays. Moi, je songe aux États-Unis puisque c'est le pays que j'ai étudié et je pense que ça fait écho à la lutte notamment de Laetitia qu'on recevra en seconde partie et du collectif Les Dévalideuses dont elle fait partie. Cette lutte pour une politisation en fait du sujet du handicap. Donc, il y a une mobilisation avec plus ou moins de succès pour la mise en place de ces droits universels. Et ça, tu le montres bien dans la seconde partie de l'ouvrage, qui est une plongée un peu plus ethnographique, plus proche de tes terrains, autour donc, de thématiques, je l'ai dit, l'éducation et l'emploi. Et tu montres très bien les tensions entre le cadre normatif très puissant de la société japonaise. Alors, c'est le cas partout, mais au Japon, ça l'est aussi vraiment de manière plutôt marquée. Et la lente route vers l'inclusion des personnes handicapées. Et moi, il y a un exemple qui m'a bien intéressé, qui est celui du travail. On t'explique à nouveau que les missions des fiches de poste sont décidées en amont, ce qui laisse plus peu de place à la négociation et les personnes handicapées se retrouvent obligées d'effectuer généralement des emplois peu valorisés ou alors à favoriser des formes d'emploi très précaires. Un concept qui a particulièrement attiré mon attention, c'est celui de travail à temps très partiel, qui m'a rappelé les contrats zéro heure du Royaume-Uni et les formes les plus sombres du néolibéralisme. Comme tu as pu faire du terrain sur le sujet de l'emploi, est-ce que tu pourrais développer ce sujet? Comment les individus arrivent-ils à négocier leur place dans une société où l'emploi occupe une place aussi importante et participe à déterminer la valeur sociale, des individus? Alors, pour ce qui concerne l'emploi à temps très partiel, là, il faut quand même préciser, c'est une initiative assez spécifique qui a été lancée par un centre de recherche qui relève de l'Université de Tokyo et qui est aussi très axée autour de la recherche technologique. Donc, c'est essayer de... Bon, alors, en gros, le principe, c'est que une personne handicapée va travailler, par exemple, 1 heure par semaine dans une entreprise. Et en général, c'est des personnes qui utilisent beaucoup d'assistance technologique pour accomplir le travail en question. Donc, il y a toute une réflexion assez qui mobilise des ingénieurs pour favoriser cette participation-là. Et donc, ce système, il est sujet à débat en fait, parce que en fait les personnes sont rémunérées à un salaire horaire qui est en fait très élevé, qui est beaucoup plus que le salaire horaire moyen au Japon. Sauf que comme elles travaillent que 1 ou 2 heures par semaine, bah, même si le salaire horaire est élevé, au final, bon, peut-être que ça leur aura fait gagner bon, l'équivalent de 60 €, quelque chose comme ça. Donc, clairement, c'est pas vraiment la valeur financière qui est, enfin, c'est pas quelque chose qui va vraiment changer leur vie quotidienne. Et du coup, ça peut être critiqué par les associations de personnes handicapées en disant bon, finalement c'est plutôt des initiatives qui permettent aux entreprises de faire leur publicité en disant regardez, on a embauché une personne, alors on va dire une personne avec un handicap très lourd, parce que comme c'est des gens qui utilisent souvent beaucoup d'aides technologiques, on va pouvoir les prendre en photo avec tous leurs appareils technologiques, comme ça on pourra montrer qu'on est une entreprise très inclusive. Mais finalement, pour la vie de la personne concernée, bah, finalement, elle aura été dans l'entreprise 1 heure ou 2 heures dans la semaine et elle n'aura pas non plus gagné beaucoup d'argent. Elle aura peut-être un petit peu rencontré des gens, mais la valeur ne sera pas forcément très élevée pour la personne concernée. Donc, c'est une initiative qui fait un petit peu débat, on va dire, qui a à la fois des défenseurs et des personnes un peu plus critiques. Et donc, alors pour ce qui concerne peut-être la question de l'intégration professionnelle de manière plus large, mais en fait, c'est comme en France, il va y avoir deux cadres d'emploi qui vont être extrêmement différent. Il va y avoir d'un côté le travail protégé et de l'autre côté le travail en milieu ordinaire. Et donc évidemment le statut des personnes n'est pas du tout le même dans un cas et dans l'autre. Le travail protégé, hein, c'est donc du travail avec un statut dans lequel on n'est pas reconnu en tant que travailleur. Les gens ne signent pas de contrat de travail dans les ateliers protégés. Ils sont reconnus en tant que usager d'un service de protection sociale, parce que c'est ça le statut des ateliers protégés. Et donc, la plupart des gens qui travaillent en atelier protégé sont rémunérés à un salaire horaire qui est moins que le salaire minimum. En fait, qui est au maximum le salaire minimum, mais qui peut être éventuellement beaucoup moins. Donc, la valeur financière du travail protégé va souvent être assez faible. En revanche, c'est quand même un cadre dans lequel les conditions de travail sont bien aménagées. Et donc, c'est un cadre de travail dans lequel, notamment, il va y avoir beaucoup plus de flexibilité en termes d'horaires de travail ou en termes de relations humaines, en termes de communication. Les choses vont peut-être se dérouler de manière un petit peu plus fluide que dans les entreprises ordinaires. Donc, s'il y a un avantage au travail protégé, il se situe plutôt du côté de l'expérience humaine de la chose. Et donc, pour le travail en milieu ordinaire, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la rémunération va potentiellement être plus forte parce que là, on est soumis au salaire minimal. Mais en réalité, comme beaucoup de gens travaillent à mi-temps, enfin, ou en tout cas à temps partiel, finalement, à la fin du mois, peut-être que la différence n'est pas si marquée entre être à plein temps en milieu protégé ou être à temps partiel en milieu ordinaire. La différence financière n'est pas forcément si frappante que ça. Et en tout cas, donc, par contre, si on est travailleur en milieu ordinaire, ben, on va devoir se soumettre aux règles du monde du travail japonais. Et là, ça va dépendre un petit peu de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Il va y avoir des entreprises qui font vraiment des efforts pour se montrer plus inclusives, pour améliorer les conditions de travail. D'ailleurs, soit dit en passant, les entreprises qui veulent faire un effort pour améliorer les conditions de travail, elles le font pas que pour les personnes handicapées. Elles essayent de le faire aussi pour les femmes, elles essayent de le faire aussi pour d'autres catégories de travailleurs, pour les salariés âgés aussi, par exemple. Donc, certaines entreprises jouent vraiment le jeu et font des efforts pour être inclusives, plus flexibles, etc. Et puis, d'autres entreprises font moins d'efforts. Il y a un système de quotas. Donc, parfois, les entreprises théoriquement sont obligées d'embaucher 2,5% de personnes handicapées. Mais de ce qui est ressorti parfois, en tout cas des interviews avec les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est que parfois les personnes avaient eu l'impression d'être embauchées uniquement pour remplir le quota et que l'entreprise n'était en fait pas du tout prête à faire des efforts pour les accueillir. Moi, je te remercie, puis ça fait écho à des débats qu'on peut retrouver également en France où il y a également un système de quotas. Mais est-ce que, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'au Japon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une amende qui est payée si on ne respecte pas le quota, ou les entreprises ont… Non, il n'y a pas de… Alors, si, il y a une amende, mais en fait, il y a plein de manières de contourner le quota. On peut effectivement déjà payer l'amende, c'est une première manière de ne pas remplir le quota. Mais sinon, c'est assez compliqué parce qu'il y a des personnes handicapées qui comptent double. Il y a aussi des personnes qui comptent 0,5 en fonction des différentes catégories en fonction du temps de travail. Donc, en fait, finalement, on peut embaucher moitié moins de personnes, mais si elles sont dans une certaine catégorie, ça comptera comme si on en avait embauché deux fois plus. Et puis, on peut aussi, ça c'est plutôt les grandes entreprises qui le font, on peut créer des sortes de filiales dans lesquelles il n'y aurait que des personnes handicapées. Donc, le grand groupe crée ce qu'on appelle une filiale spéciale. Et donc, mettre plein de personnes handicapées, mais en fait, ce sera quand même à peu près la même chose qu'un atelier protégé. C'est juste que ça aura un statut d'entreprise privée, mais du point de vue de l'expérience de la personne, ce ne sera pas fondamentalement différent du travail protégé. Donc, ça n'amènera pas, en tout cas, les gens à travailler en contact avec les autres salariés de l'entreprise. Donc, il y a plein de manières comme ça de s'acquitter des quotas, mais on va dire en jouant plus ou moins le jeu de l'inclusion. Et puis une chose que j'ai entendue aussi souvent dans mes interviews, c'était que certaines personnes avaient été embauchées, mais on leur donnait un bureau à part, pas au même étage que les autres salariés, on leur donnait pas forcément beaucoup de travail, les gens les regardaient avec un œil méfiant, et puis donc effectivement l'entreprise avait dans ce cas-là respecté peut-être son quota, mais finalement pour autant elle n'avait pas forcément fait d'efforts pour se montrer inclusive vis-à-vis du salarié en question. C'est intéressant, ces chemins de traverse étudiés par le monde de l'entreprise pour éviter de se plier à la législation, mais une législation qui reste un peu contraignante finalement, et le fait qu'il y ait tous ces mécanismes que tu décris montre qu'il y a un sujet politique derrière, et comment faire en sorte qu'on puisse appliquer vraiment le cadre politique qui a été pensé en amont pour aller vers une véritable inclusion. On arrive bientôt à la fin de ce temps d'interview, mais je voulais juste te laisser la parole pour voir si tu voulais compléter, si tu te sentais frustrée par rapport à certaines thématiques, si tu voulais revenir sur quelques éléments avant qu'on passe à la séquence recommandations culturelles. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de lire ton ouvrage et je peux que conseiller aux gens de le faire, notamment si, comme moi, vous ne parlez pas japonais. Quand même, Anne-Lise nous livre une fenêtre d'ouverture sur le sujet du handicap au Japon en français. Je trouve ça assez précieux. Enfin, moi, en tout cas, je j'apprécie énormément. Mais je te laisse, juste si tu veux, rebondir sur un sujet avant. Bah, alors, je vais peut-être juste rebondir sur ce qu'on a dit juste avant sur la question de l'emploi, parce que je me rends compte qu'on termine sur un panorama très négatif sombre, du monde du travail. Et du coup, j'avais quand même envie de terminer plutôt sur une note positive, en disant quand même que le Japon, aujourd'hui, l'économie japonaise connaît un très important manque de main-d'œuvre. Et donc, ça, finalement, peut-être que ce contexte de manque de main-d'œuvre, encore plus que toutes les politiques, ou en tout cas en complément de toutes les politiques, est quand même un facteur qui incite les entreprises à embaucher un peu plus de travailleurs handicapés. Ça incite aussi les entreprises à embaucher plus de femmes. En gros, en tout cas, il y a tout un effort des pouvoirs publics pour convaincre les entreprises que pour combler le manque de main-d'œuvre, il faut se tourner vers des catégories de travailleurs qui n'étaient peut-être pas leur cible prioritaire au départ, mais que finalement, comme il n'y a pas d'autres candidats, en tout cas, il y a moins d'autres candidats, il faut se tourner vers ces catégories de travailleurs-là. Et donc, de fait, c'est quand même un facteur qui ouvre des opportunités d'emploi pour les personnes handicapées, quand même plus que par le passé. C'est intéressant, je pense que c'est à mettre en lien aussi avec la grande question du Japon, mais ça revient à l'introduction, à savoir le rapport avec l'immigration, finalement. Et moi, je me souviens avoir lu des articles sur le fait que, enfin, pour caricaturer le propos, les Japonais étaient moins sexistes qu'ils n'étaient racistes, donc ils préféraient commencer à embaucher des femmes et à mettre en place des politiques favorisant l'embauche de femmes plutôt que d'accueillir des travailleurs étrangers venant, par exemple, du reste de l'Asie. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, par effet ricochet, les personnes handicapées, pas tant parce qu'elles sont handicapées, mais parce qu'elles sont japonaises avant tout, pourront obtenir un accès à l'emploi facilité. Je te remercie, Anne-Lise. On se retrouve pour la seconde partie de l'émission, mais là, je vais laisser la parole à Marianne pour une recommandation culturelle. Donc, Marcel, je te laisse faire entrer Marianne. Bonjour à toutes et tous. Face au vieillissement de sa population, une société instaure un programme de fin de vie volontaire. C'est le postulat de Plan 75, un film japonais réalisé par Shi Hayakawa en 2022. Le film nous plonge dans un monde qui ressemble beaucoup au Japon contemporain, mais dans lequel l'État, confronté au vieillissement de sa population, met en place un programme permettant aux personnes de plus de 75 ans de programmer leur mort accompagnée. En compensation, ils reçoivent une petite somme d'argent pour vivre plus confortablement le temps qu'il leur reste. On ne sait pas très bien si cela se compte en semaines, en mois ou en années. Le film suit les trajectoires de plusieurs personnages pris dans le programme, chacun à une place différente. Celle de Michi, qui a 78 ans et qui, sans travail ni perspective, décide de recourir au plan 75. Celle de Yako et Hiromu, jeunes agents de l'État qui commencent à se questionner sur le sens de leur mission, ou encore celle de Maria, immigrée philippine, qui trouve dans ce programme un moyen de subsister et de financer l'opération de sa fille. Le programme de fin de vie est présenté comme un progrès social, la liberté pour les individus de décider de leur propre destin. Mais derrière une façade bienveillante, Plan 75 dépeint une société qui, sans contrainte manifeste, pousse les plus fragiles vers cette issue. Ce n'est pas la maladie ou une souffrance physique sans soulagement possible qui incite les volontaires à s'inscrire au programme, mais l'absence d'horizon, la précarité, l'isolement, un environnement dont ils se sentent peu à peu exclus. À cela s'ajoute une pression sociale à peine voilée, celle d'une société qui considère les personnes âgées comme un fardeau économique pesant sur les nouvelles générations. Le film montre comment une société peut, sans brutalité apparente, suggérer à une partie de sa population qu'elle est de trop. Ici, il n'y a pas de dystopie spectaculaire, pas de régime totalitaire, pas d'injonction explicite, mais un État qui façonne les limites qui est présenté comme un choix personnel. En prolongeant des dynamiques déjà bien ancrées, le vieillissement de la population, l'isolement des personnes âgées, des politiques publiques centrées sur la rentabilité, le film illustre comment le curseur de l'acceptabilité peut se déplacer insidieusement. Plan 75 est le premier long métrage de la réalisatrice. Elle a expliqué l'avoir tourné en écho au massacre de Sagamihara, dont vous parlez dans votre ouvrage Anne-Laure, lors duquel 19 résidents d'un foyer de vie pour personnes handicapées ont été assassinés par un jeune homme militant pour l'euthanasie des personnes handicapées. Réalisé dans un Japon encore marqué par son histoire eugéniste, le film résonne bien au-delà de ce contexte, et notamment aujourd'hui en France, on sait que ça va être l'un des sujets de discussion dans la seconde partie de l'émission. davantage qu'un film sur la fin de vie, Plan 75 est un film sur l'exclusion sociale qui interroge ainsi la manière dont une société considère, valorise, marginalise, abandonne ses membres en fonction de leur productivité ou de leur utilité perçue. Je vous invite à le découvrir, c'est un film qui n'est plus sur les écrans de cinéma, mais qui est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette seconde partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Rebord, qui est père aidante professionnelle et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et membre du collectif antiféministe et antivalidiste Les Dévalideuses. Et Ivanka Guillaume, qui est doctorante en sociologie du Japon contemporain à l'INALCO et dont les recherches portent sur les revendications des milieux associatifs handicapés et leur compte, leur dialogue avec les milieux militants féministes, en particulier autour de la question eugéniste d'après-guerre que nous avons évoquée dans la première partie. Donc, comme vous pouvez le constater, et comme je l'ai déjà précisé, il s'agit d'un panel qui va nous permettre de creuser autour de l'expérience japonaise et d'introduire une dimension comparative avec ce qui se passe en France, en particulier autour d'un sujet, celui de l'impact des politiques eugénistes sur la vie des personnes handicapées. Et je vais commencer par des questions qui vont permettre à nos deux nouvelles intervenantes de se présenter. Et puis je proposerai des questions transverses qui touchent aux préoccupations de chacune en lien avec le travail d'Anne-Lise. Alors Ivanka, je vais commencer par toi. Déjà, rebonjour, ravie de t'accueillir ici. Donc, comme je le précisais, tu es doctorante en sociologie et tu conduis actuellement une recherche sur les mobilisations des personnes handicapées au Japon et plus particulièrement leur croisement avec les luttes féministes. Donc, dans son ouvrage, Anne-Lise revient sur les relations parfois compliquées, c'est un euphémisme, qui ont pu exister entre ces mouvements autour de la question de l'eugénisme, ce que tu étudies notamment. Les personnes handicapées, donc dans les membres de l'association Aoi Shiba no Kai, ont pu dénoncer par exemple certaines pratiques abusives, et c'est leur terme que je reprends, d'avortement, considéré comme un acte égoïste. Est-ce que tu peux nous apporter des éléments complémentaires sur cet épisode qui témoigne de la complexité, de la convergence des luttes à l'époque et peut-être encore maintenant? Une convergence qui, d'après ce que tu avances, toujours loin d'être évidente, et j'ai en tête ton article sur la prise de parole en 1994 de Yuo Asaka, je ne sais pas si je prononce bien, une militante handicapée et féministe. Comment cet exemple japonais vient, selon toi, aider à penser l'intersectionnalité des luttes? Merci Marie pour cette question. Donc c'est Yuo Asaka pour la prononciation. Ah oui, effectivement, la convergence des luttes entre le mouvement des personnes handicapées et le féminisme au Japon, il a été marqué par des tensions nombreuses et variées, notamment autour de la question du droit à l'avortement, est-ce qu'on peut le considérer comme un droit ou pas, et la question de l'eugénisme internalisé auquel serait exposée toute personne vivant dans une société qui met en avant des corps normés capables de produire pour le capitalisme. Donc c'est un sujet particulièrement sensible qui révèle en fait des divergences dans les expériences et dans les revendications de ces mouvements d'un côté féministe et de personnes handicapées qu'il ne faut quand même pas prendre comme un bloc monolithique, un groupe de personnes handicapées qui feraient cohérence et sens tout au long de son histoire. Donc, si on prend l'exemple d'Aoi Shiba no Kai, ce collectif de personnes handicapées physiques avec des pathologies sévères, des incapacités sévères, ce sont des personnes vivant avec des paralysies cérébrales, avec ou non capacité à verbaliser, avec ou non mobilité entière des membres inférieurs. Il a joué un rôle central dans la critique des politiques eugénistes en vigueur pendant l'après-guerre. Et donc, comme je disais, le point de friction, il était avec les mouvements féministes sur la perception de l'avortement. Pardon, j'ai eu un petit écho de ma voix. Donc, Dans les années 80, 70 et 80, mais d'abord 70, il y a eu des propositions de modification de la loi eugénique qui mettaient en avant la possibilité d'avorter pour malformation fœtale et en contrepartie, dans un certain sens, d'enlever la possibilité d'avorter pour des raisons économiques. Et c'était sous ce titre-là que la majorité des avortements avait lieu à cette époque. Donc l'idée aussi, c'était de lutter contre cette image de paradis de l'avortement que le Japon avait, puisque c'est l'un des premiers pays à avoir rendu possible l'avortement. Possible, mais pas légalisé, pas dépénalisé, c'est ce qu'il faut comprendre. Du coup, il y a eu cette mobilisation des groupes féministes pour protéger leur possibilité d'avortement à cette époque. Et dans le même temps, la même loi propose ce qui est entendu par les groupes de personnes handicapées au Shibonokai, l'extermination in utero de ces existences qui sont finalement. Le message qu'ils entendaient, c'est qu'ils étaient désignés implicitement comme des existences qui ne valaient pas le coup d'être vécues, qui étaient évacuables. Donc, dans ce contexte, certains membres d'Aoshiba ont adopté une posture assez radicale, considérant que l'avortement, même hors du cadre eugénique, relevait d'un acte égoïste. Et finalement, la question que moi je me suis posée tout au long de mon travail, c'est qu'en disent les femmes handicapées elles-mêmes, qui sont des personnes handicapées, mais qui sont aussi des femmes, et qui peut-être voient un malaise à désigner l'avortement dans sa globalité comme un acte égoïste des femmes. C'est là que l'intervention de différentes femmes est intéressante. On prend généralement l'exemple de Asaka Yuho, particulièrement en 1994, lorsqu'elle fait son discours à la conférence du Caire. Donc, c'est une jeune femme à l'époque, une trentaine d'années, qui se trouve à la croisée de différents courants et d'allégeance militante. C'est-à-dire qu'elle a été à Oshibanokai un certain temps. Elle a aussi une expérience transnationale en allant se former aux États-Unis, à Berkeley, autour du mouvement pour la vie en autonomie. Et là-bas, elle est acclimatisée à d'autres types de militance, d'autres types de féminisme, au mouvement LGBT, aux causes afro-américaines. Et du coup, elle a c'est une approche qui est assez différente. Et donc, elle plaide finalement là pour une intersectionnalité, en insistant sur le fait que les femmes handicapées se trouvent justement à l'intersection de ces différents enjeux. On peut prendre d'autres exemples qui sont un peu moins connus. Enfin, qui sont très connus au Japon, mais qui ne sont pas encore très discutés en contexte français. C'est le cas de Yonezu Tomoko, qui a été une membre, qui est toujours, excusez-moi, une membre d'un collectif féministe, le Woman Lib japonais, Woman Libu, et qui a aussi participé à la fondation d'un autre collectif, qui est la Soshilen. Et ce collectif, de 1982, il commence à avoir un mouvement intersectionnel à essayer de faire le pont entre les revendications féministes et celles des personnes handicapées. Mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que cette convergence, elle n'a pas été évidente. Et si la loi eugénique a été abrogée et modifiée en 1996, il reste des grandes limites dans cette intersectionnalité, puisque les dispositions eugéniques, si elles ont été enlevées, l'avortement n'est toujours pas un droit au Japon. Je te remercie. Bah, non, je t'en prie, si tu veux ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Je voulais mettre en avant la difficulté de construire une convergence des luttes lorsque les rapports de pouvoir et les expériences sont vécues différemment. Parce que par l'entrée handicap et par l'entrée femme, par l'entrée homme handicapé, ce n'est pas exactement la même expérience. Mais non, mais c'est très intéressant et je te remercie. De nous avoir parlé de ces différents exemples. Et à nouveau, ça fait écho à ce que peut présenter Anise dans son ouvrage aussi. Laetitia, je me tourne vers toi maintenant, pas vers toi, vers toi. Donc, comme je l'ai dit, t'es père aidant, t'étais experte sur le sujet de la sexualité des personnes handicapées, t'es également militante, hein, t'es membre des valideuses. Le cas du Japon est plutôt singulier dans son rapport à l'eugénisme qui est venu cristalliser une forte mobilisation de la part des personnes handicapées. Mais cette singularité semble avoir des échos actuels en France. Et je fais ici référence au débat qui est en cours autour de la loi de programmation de fin de vie. Et le cas très récent de Karine Brahi, militante également du mouvement pour le droit des personnes handicapées. Donc, je voulais t'interroger sur le sujet et les liens qui pouvaient être tissés avec le cas japonais. Je sais que l'exemple canadien est aussi souvent mobilisé dans les milieux militants où tu évolues. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment comprendre l'émergence de cette question eugéniste dans le cadre politique et militant français actuel. Et dernière chose avant de te laisser la parole, parce que je l'ai lu ce matin, je signale aussi la publication d'une tribune dans Le Monde signée par Elisa Rojas sur le sujet que je vous invite à lire. Voilà, tout simplement. Donc Laetitia, je te laisse la parole. Merci Marie, bonjour à tout le monde. Donc ça fait énormément écho à ce qui se passe actuellement. En France, je refais un petit contexte. En ce moment, il y a un sujet autour d'un projet de loi, ce qu'ils appellent autour de la fin de vie et de l'aide active à mourir. Et ce projet de loi, il prend une tournure qui est quand même assez inquiétante pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, si je peux me permettre de parler de ce mot. Projet de loi sur la fin de vie, elle est très porteuse de confusion, moi je trouve, parce qu'elle suggère en gros que ce projet de loi, il concerne, on va dire, que quelques personnes âgées qui seraient un petit peu dans leurs dernières années. C'est ce que j'entends souvent autour de moi. En réalité, pour moi, le terme euthanasie correspond beaucoup mieux à la réalité de ce texte. Et il met d'ailleurs en lumière les implications grave et inquiétante d'une telle législation. Et je vais vous dire maintenant pourquoi. On est plusieurs militants en France anti-validistes. Hein. Alors, notamment les dévalideuses, mais plein d'autres collectifs aussi anti-validistes en France, à dénoncer donc cette approche qui va véritablement institutionnaliser cette idée que la vie, en fait, avec un handicap, est une véritable souffrance insoutenable et qu'en fait la mort ce serait une solution plus acceptable que en fait par exemple la mise en place de politiques véritablement anti-validistes qui permettraient donc des conditions de vie dignes. Donc voilà, c'est vraiment ça un petit peu en ce moment ce qui se passe. Et Et si on, voilà, par rapport à ce que tu disais dans ta question, par rapport au Canada. Le Canada, en fait, il est souvent cité à titre d'exemple. On peut parler justement de son programme MAID. Donc MAID, ça veut dire Medical Assistance in Dying. Et donc, il a connu depuis ces dernières années, depuis justement la loi qui est passée, une expansion très inquiétante. En fait, à l'origine, ce programme, il était réservé vraiment aux malades en phase terminale. Et puis, petit à petit, il s'est élargi aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées, aux personnes souffrant de divers maladies chroniques, mais pas forcément en phase terminale. Et donc, il y a eu vraiment c'est très documenté, on a vu des personnes de plus en plus nombreuses demander cette aide active à mourir, comme ils l'appellent, non pas à cause de leur souffrance, mais en raison, en fait, de leur situation de précarité, vraiment, et du manque d'accès à notamment des soins adéquats. Hein. C'est vraiment une grosse dérive qui arrive. Il y a de plus en plus de demandes de ce genre. Et par exemple, il y a même des personnes qui ont choisi l'euthanasie faute simplement de logement ou d'accès à des traitements ou d'accès pour d'autres personnes à des soins de santé en général. Donc, en fait, cette situation, elle reflète vraiment, pour moi, une dérive hein, où la société, en fait, elle considère que certaines vies, en fait, elles sont trop coûteuses ou trop indignes vraiment pour être justement préservées et qu'on va préférer les éliminer. C'est un exemple au niveau du Canada. Je crois qu'aussi il y a d'autres pays qui sont un petit peu dans la même problématique. Mais j'ai envie de dire tout ce dont tu as parlé, Annelise, par rapport à toutes ces politiques eugénistes aussi, il est assez frappant sur d'autres domaines en France. Alors évidemment, on a parlé de l'avortement thérapeutique, qui est déjà une forme d'eugénisme, mais il n'y a pas que ça. Moi qui travaille dans la santé sexuelle, je suis très confrontée aussi à ce que… Alors, les stérilisations forcées, il faut savoir que normalement, c'est interdit depuis plusieurs années, hein, mais dans les faits, ça se pratique encore. Il y a encore même beaucoup de familles qui demandent à ce que leur enfant soit stérilisé. Il y a encore des professionnels de santé donc qui pratiquent les stérilisations forcées. Mais à côté de ça, c'est plus insidieux, on en parle moins, mais c'est par exemple aussi la contraception forcée en France. Il y en a énormément, notamment au sein des institutions, où il n'est pas du tout possible d'envisager une quelconque grossesse. Et même, il y a des personnes, souvent, qui sont en situation de handicap intellectuel, on ne va pas vraiment les éclairer sur tous ces sujets. Elles ne font pas vraiment un choix éclairé de leur contraception. On va leur dire, il faut que tu sois sous pilule. Et c'est comme ça. Et souvent, on m'a même dit que si la personne refusait, c'était même un argument pour lui dire « tu ne pourras pas rester ». Donc, en gros, ça fait aussi une pression sur la personne en situation de handicap. Donc, pour moi, j'appelle ça de la contraception forcée. Et pour moi, c'est aussi une forme eugéniste. Je tenais un petit peu à le préciser parce que il y a tellement de dérives eugénistes qu'on n'y pense pas et tout ça, ça en fait partie. Je te remercie et je te remercie d'avoir abordé ces différentes formes et ces différents sujets parce que comme tu dis, on n'y pense pas. Enfin, on n'y pense pas forcément en fait et on ne les pense pas de cette façon. Finalement. Merci d'avoir tissé des liens entre le cas, ce qui a pu se passer au Japon. Et je précise, là, on parle du cas japonais, hein, mais c'est pas propre au Japon. Moi, j'ai en tête aussi beaucoup de pays nordiques et scandinaves qui ont pratiqué aussi des formes de stérilisation, tu l'évoquais, ou de prise de contraception forcée jusqu'à des périodes plutôt récentes. Et c'est pas... On ne songe pas à ces pays, quand on pense aux pays nordiques et scandinaves, on pense à des pays très, très libéraux, mais dans le sens progressiste du terme. Et quand on déplace la focale vers le handicap, on se rend compte en fait très vite des limites aussi de certains modèles politiques. Et je trouvais que c'était aussi l'occasion, parce que concernant le projet de loi évoqué en France également, c'est vrai qu'on n'entend pas très souvent la parole des personnes handicapées dans ce cadre politique. Avant juste de passer aux questions transverses, parce qu'on avait une question, on a deux questions dans le chat, et je vais juste les poser, si ça ne vous dérange pas, et puis après on passera aux questions transverses, on a encore un petit peu de temps, j'essaie juste de retrouver. Je pense que cette question, la première, elle était pour toi, Annelise. Donc vous dites que le Japon est passé de la politique du cœur à une mobilisation des personnes en situation de handicap dans les années 60, mais quid de la mobilisation des parents et de l'entourage et de la population japonaise. Et deuxième question, mille merci pour la présentation et la table ronde passionnante. Une question de curiosité. J'ai découvert qu'en France, le don de gamètes faisait l'objet de critères médicaux très stricts, amenant à exclure environ un tiers de volontaires sur la base de leurs antécédents de santé, donc une forme d'eugénisme discret, un peu comme ce que tu décrivais, Laetitia, par une sélection des gamètes en amont de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée, je vais y arriver. Sauriez-vous si des dispositions similaires existent au Japon? Et le cas échéant, si elles font davantage débat qu'en France, où elles sont très peu visibles. Anis, je vais te laisser la parole pour la première question. Et puis, si tu as une réponse aussi sur cette question des gamètes, puis sinon, ou Ivanka, si tu as aussi une réponse sur cet enjeu des gamètes. Et puis, Laetitia, tu pourras rebondir également si tu es au courant de ce sujet. Donc, Anis, je t'en prie, déjà pour la première question. Alors oui, pour ce qui concerne la mobilisation des familles, effectivement, c'est un point très important puisque en fait, on peut dire que c'est un peu ça qui a cristallisé le basculement d'une logique vers une autre, parce qu'effectivement, il y a un grand moment de mobilisation des familles d'enfants handicapés dans les années 1950-1960 au Japon, donc justement un peu avant le début de la mobilisation par les personnes elles-mêmes en situation de handicap. Et en fait, justement, le mouvement mené directement par les personnes concernées, il va inscrire en très forte opposition par rapport au mouvement de parents. Parce qu'en fait, ce que les parents demandent dans les années 50-60, c'est vraiment l'institutionnalisation de leurs enfants. C'est la création d'institutions, notamment d'institutions éducatives, mais aussi ça va être des institutions pour prendre en charge ensuite les adultes, mais en tout cas des institutions qui permettraient que la prise en charge des enfants ou des personnes en situation de handicap ne soit plus assurée uniquement à la charge des familles. Et du coup, les personnes handicapées de l'association Aoshi Banokai notamment vont se mobiliser en opposition à cette demande de création d'institutions parce que leur discours, ça va être de dire que l'institutionnalisation, c'est une privation de liberté. Les institutions ressemblent un petit peu à des prisons à cette époque-là. Enfin, on a plein de récits un petit peu catastrophiques de la manière dont les personnes sont traitées dans les institutions. Et donc, du coup, les personnes elles-mêmes en situation de handicap se mobilisent en opposition aux associations de parents. Et justement, les associations de parents avaient un discours qui était complètement au nom de l'amour, au nom de parce que nous aimons nos enfants, nous voulons qu'ils vivent dans de bonnes institutions. Et donc, justement, les associations de personnes handicapées disent, mais non, mais ça n'est pas de l'amour, ça, c'est de l'égoïsme. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'Ivanka disait précédemment, la dénonciation de l'égoïsme est quelque chose d'assez important dans le discours des associations de personnes handicapées à cette époque-là, de l'égoïsme des personnes valides qui voudraient en quelque sorte se débarrasser des personnes handicapées en les mettant dans un coin de la société d'où elles seraient peut-être moins visibles. En tout cas, il y a un petit peu cette idée d'une forme de ségrégation. Je te remercie. Est-ce que tu es au courant pour la question des gamètes, des dons de gamètes ou pas du tout? Ça te dit là, je veux bien laisser Ivanka répondre. Peut-être qu'elle Alors, fera mieux que Ivanka. moi. Pas de réponse sur le don des gamètes au Japon. J'aurais tendance à penser que les critères sont proches de ceux de la France, hein, puisque dans les autres cadres, ce sont plus ou moins les mêmes. Donc, je ne vois pas vraiment de raison pour lesquelles ce serait différent pour les dons de gamètes. Je dis ça, par exemple, j'ai essayé de donner mon sang au Japon et ça n'a pas été possible. Et en France non plus, je ne peux pas donner mon sang. Puisque j'ai déjà reçu du sang. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit très différent, mais je ne sais pas, ce n'est pas une réponse affirmative. On pourra regarder. Laetitia, si tu veux rebondir sur le cas français, si tu as des éléments sur ce sujet, peut-être. Non, je n'ai pas de réponse particulière au niveau des gamètes, etc. Par contre, je voulais rebondir sur ce qu'Annie, elle dit, enfin, les militants ont dit. validisme, on est pro-désinstitutionnalisation. Donc, on fait partie de ces mouvements dont tu parles, Anise, de personnes. Alors, moi, je ne dirais pas forcément association de personnes handicapées, parce qu'au contraire, on voit bien que c'est plus les associations gestionnaires qui auraient tendance justement à avoir un conflit d'intérêts, à dire qu'il faut fermer ces institutions, étant donné qu'elles gèrent de nombreuses elles-mêmes institutions. Donc, ce serait plus voilà, des collectifs de personnes directement concernées. J'insiste sur le directement parce qu'un parent est concerné par le handicap, mais pas directement. Donc voilà, ça existe et il faut savoir que la France, là-dessus, elle est aussi extrêmement ancrée dans le système institutionnel. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au Japon et qu'on a du mal encore à comprendre justement que contrairement à toutes les recommandations même de l'ONU hein, qui pointent le fait que ça va à l'encontre des droits humains, institutionnaliser les personnes, et ben en France, il faut savoir qu'on met de plus en plus d'argent pour institutionnaliser au lieu de créer des véritables politiques inclusives, des services de proximité ou comme on peut dire communautaire. Voilà, donc ça fait encore partie des combats actuels des militants anti-validistes. Bah, je vous remercie. Ça anticipe sur la question transverse que je voulais vous poser et qu'aborde Anise dans son ouvrage, à savoir cette lutte pour des droits universels. Et Laetitia vient de le rappeler, c'est aussi des recommandations des institutions internationales, et donc principalement de l'ONU. Je voulais vous interroger sur les leçons qu'on pouvait tirer de ce qui s'était passé au Japon, mais aussi dans d'autres pays, parce que j'imagine que vous avez l'exemple d'autres pays également en tête. Et jusqu'à quel point vous pensez que ça peut être une stratégie politique payante de mettre l'accent sur cet enjeu des droits universels pour amener à cette politisation du sujet du handicap. Alors, je vous laisse la parole. Alice, si tu veux commencer. Ah ben, c'est une question très vaste. Alors peut-être juste pour resituer le contexte, alors je voulais rappeler, le Japon a signé la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées en 2007. Enfin, il l'a adoptée en 2007 et elle a été ratifiée en 2014. Donc, en fait, il s'est écoulé beaucoup de temps entre les deux. En fait, le Japon est un des pays où ce processus a été le plus long. Et ce processus a été très long parce que, en fait, au départ, le gouvernement japonais disait, très bien, on a signé, alors maintenant on va ratifier tout de suite. Et puis, en fait, les associations de personnes handicapées ont dit directement, non, il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment faire les changements législatifs. Et après, on passera à la ratification. Et donc, finalement, c'est les associations de personnes directement concernées qui ont en quelque sorte freiné le processus de ratification pour s'assurer que le gouvernement n'essaye pas de les entourlouper en faisant une ratification purement de façade. Donc, du coup, je dirais quand même qu'à ce titre-là, le passage par les institutions internationales, il a été assez efficace au Japon parce que aujourd'hui, effectivement, la législation japonaise respecte quand même assez fortement les recommandations qui ont été faites par l'ONU. Alors que par contre, dans d'autres domaines que le handicap, c'est pas forcément le cas. Si on regarde le domaine, par exemple, des droits des enfants, le Japon a signé la Convention de l'ONU sur les droits des enfants depuis extrêmement longtemps, enfin depuis 1994, et le droit des enfants n'est toujours pas du tout en conformité à ce qu'il devrait être par rapport au droit international. Donc, je pense que dans le domaine du handicap, le passage par les organisations internationales a plutôt été une stratégie efficace de la part des organisations. Mais peut-être Ivanka pourra compléter un petit peu. C'est très bien, Amélie, d'avoir commencé par là, parce que ça me permet de faire une petite transition. Donc, le Japon a eu son premier screening, sa première évaluation, pour la Convention des droits des personnes handicapées en 2022. Et j'étais là-bas à Genève avec eux. Du coup, j'ai pu voir les sources en train de se faire. Et c'était un moment assez historique quand même, puisque nous étions une centaine de personnes handicapées japonaises, plus moi, donc non japonaises, à Genève, à l'ONU. C'était assez extraordinaire. Effectivement, les alliances transnationales, elles ont porté énormément au Japon. Je pense au DPI Network, au Disabled People International. Du coup, le DPI, il a été fondé dans les années 80 à Winnipeg. Du coup, et le Japon a pris part à ce mouvement très tôt. Et ce qui a permis de s'inspirer de dynamiques américaines, états-uniennes, dans une moindre mesure européenne, puisqu'il faut savoir quand même que le DPI français n'est pas très puissant. Il existe, mais il n'est pas très puissant. Ils ont réussi à porter un grand discours. Mais ce que j'avais envie de dire, en premier lieu, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'eugénisme en tant que pratique d'État n'est pas le monopole de régime fasciste. Il s'inscrit aussi dans des cadres législatifs démocratiques, avec l'aval des gouvernements successifs et sous couvert d'un intérêt national. C'est ce qu'on a pu voir dans les pays nordiques, mais c'est ce qu'on a pu voir aussi en réalité en France, parce que la France a été condamnée aussi à de nombreuses reprises. Et du coup, ces alliances qui sont locales avec d'autres organisations, mais aussi transnationales, elles permettent de créer un discours, de mobiliser plus de fonds aussi, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ils n'en ont pas assez, mais ça pense. D'autres choses que j'aimerais ajouter, on n'a pas eu le temps, mais en fait, ça m'a fait penser avec la recommandation culturelle. Donc c'est une page assez sombre encore, on va revenir sur quelque chose de tragique, mais c'est le massacre de Sagamihara qui m'a fait le plan 75 m'y a fait penser, puisque du coup on n'est pas dans quelque chose de dystopique où les gens dans un avenir proche ou autre dans notre situation en viendraient à choisir de mourir. Donc il y a une subsistance de la pensée eugéniste, d'une vision de vie qui ne méritait pas d'être vécue et qui transparaît dans le massacre de Sagamihara qui est survenu en 2016 donc dans un centre pour personnes handicapées. Et en fait, un ancien employé a délibérément assassiné 19 résidents. Et pendant son procès, il a affirmé que les personnes lourdement, sévèrement handicapées n'avaient pas de raison d'exister. Donc, ce que ce crime atroce montre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé d'un individu dérangé, mais c'est le produit d'une culture où l'eugénisme n'a pas été véritablement déconstruit. Donc là, il s'agit du Japon, mais on pourrait transposer ça à d'autres espaces culturels. D'où la nécessité faire des alliances transnationales et transpartisanes pour d'autres causes. Je te remercie. Laetitia, je te laisse également rebondir. Oui, alors pour revenir à cette logique de droit universel, moi je pense que cette approche, elle a vraiment le mérite de repositionner quand même la question du handicap dans un cadre politique. Et plus seulement la voir comme une question charitable, compassionnelle. Ça, c'est quand même vraiment important. Après, il faut savoir que les expériences quand même étrangères, elles prouvent que cette stratégie, elle peut avoir des limites. Alors, je vais parler des États-Unis, par exemple. Il faut savoir que les droits civiques des personnes handicapées, ils ont fortement progressé depuis qu'il a été donc voté l'American with Disabilities Act, donc qui est d'ailleurs actuellement, je souligne, remis en cause depuis la réélection de Trump, qui est en train d'essayer de retirer cette loi. Donc, il faut savoir que l'application de ces droits, même si sur le papier elle existe, elle est quand même très souvent contournée par justement des inégalités structurelles, notamment dans l'accès aux soins, ça peut être. l'accès aux aides humaines, au financement d'aide humaine, aux aides sociales en général. Donc voilà, on voit bien que dans les faits, c'est quand même, ça reste quand même compliqué. Et par exemple, en France, cette stratégie des droits universels, elle se heurte quand même à une société qui est encore très marquée par le validisme. Par exemple, je prends le projet de loi à nouveau hein, sur l'euthanasie, parce que pour moi, c'est un très bon exemple. On entend souvent parler des gens qui sont contre uniquement du point de vue des religieux qui trouvent que c'est que ça va à l'encontre justement de la volonté de Dieu. Donc on va assimiler les gens qui sont contre à des personnes qui sont dans cette mouvance radicale, souvent réactionnaire de droite. Et en tenant ce discours-là, eh ben on va invisibiliser toutes les revendications en fait actuelles des personnes qui sont concernées, parce que ça va biaiser le débat justement vers ces perspectives-là. Donc moi-même, hein, je crois que on est encore capable de me dire que si je suis contre, c'est parce que je suis quelqu'un de réac et qu'on a du mal à entendre qu'une personne de gauche puisse être contre ce projet de loi. Et ça fait partie du validisme. Le validisme, il est dans toutes les sphères de la société, que ce soit de droite ou de gauche. Bref, tout ça pour vous dire que, à force de nous matraquer aussi ce discours-là, on va biaiser l'impact que peut avoir ces politiques de droit universel. Je te remercie. Je vous remercie toutes les trois pour ces interventions sur cette thématique. Peut-être une autre question transverse sur un autre sujet, non pas que ce, enfin, mais toujours en lien avec tout ce qui vient d'être dit, mais peut-être pour faire un focus sur une thématique qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder, mais qui est présente dans le livre, qui est celle de l'éducation. Parce que le chapitre que consacre Anise à ce sujet illustre bien des difficultés inhérentes à la rencontre entre la logique du cœur et la logique des droits qu'on vient d'évoquer, parce qu'il y a une forme, c'est comme s'il y avait une forme d'impossible réconciliation entre la prise en charge étatique qui dit assurer un filet de sécurité minimum et l'aspiration à une réelle intégration dans la société qui demande aussi de dépasser ce filet. Par exemple, le Japon a continué d'adopter des politiques ségrégatives en favorisant l'éducation spécialisée. Et je vous invite à toutes vous prononcer sur d'autres exemples que vous avez en tête, qui peuvent rappeler cette tension un peu continue. Et peut-être pour conclure après cette table ronde, sauf si d'autres sujets émergent, hein, on a encore un peu de temps, et parce qu'il s'agit d'une démarche qui vous anime toutes les trois, quelle place peut-être laisser à l'intersectionnalité pour penser les mobilisations et les réformes des politiques à destination des personnes handicapées? Vous avez déjà un peu répondu à ce sujet, mais si vous avez d'autres exemples en tête, et puis sachant que l'intersectionnalité peut être entendue aussi, enfin, il y a le rapport au genre, mais il y a le rapport aux classes sociales, à d'autres formes de mobilisation également. Anne-Lise, je te laisse à nouveau la parole sur ces divers sujets, et puis on continuera de tourner. Alors peut-être je vais commencer par l'éducation. Alors pour ce qui concerne l'éducation, peut-être je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit. En fait, dans l'éducation, on voit bien à la fois le côté logique du cœur, surtout vis-à-vis de petits enfants, il faut les aider, etc. Et cette aide passe souvent par l'institutionnalisation. Ça, dans l'histoire de l'éducation spécialisée au Japon, c'est quelque chose qui a été très marqué. Les premières écoles spécialisées, c'était vraiment des œuvres de charité. Et pendant assez longtemps, dans le cas du handicap mental, c'est resté justement à ce stade, l'intégration des écoles spécialisées pour le handicap mental dans le système d'éducation géré par le ministère de l'Éducation, il est arrivé vraiment tardivement, en 1977. Donc on a cette logique de charité qui a été présente pendant vraiment très longtemps dans l'histoire de l'éducation spécialisée. Aujourd'hui, on est passé à la logique de promotion d'une éducation intégrative avec l'idée que les enfants ont tous un droit à l'éducation qui devrait être égal, les enfants ont tous le droit aux mêmes opportunités, etc. Mais je voulais ajouter qu'il existe en fait quelque part aussi une forme de troisième logique qui est pas vraiment au milieu entre ces deux-là, mais qui existe quand même très fortement dans le domaine éducatif aussi, qui serait un peu plus en fait une logique de contrôle social. C'est en particulier lié à la question du handicap mental, mais pas seulement, parce que l'éducation pour les enfants qui ont un handicap mental au Japon, et je pense que dans d'autres pays c'est le cas aussi, elle est née en partie aussi suite à une interrogation sur la prévention du crime, parce que il y avait début du XXe siècle, dans les prisons japonaises, une assez forte surreprésentation de personnes adultes ou jeunes adultes qui avaient un handicap mental. C'était vrai aussi dans les bagnes pour enfants. Le handicap mental n'était pas défini de la même façon qu'aujourd'hui. On n'avait évidemment pas du tout les mêmes tests. Mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose que les personnes qui se sont penchées sur la criminologie ont remarqué assez rapidement. Et donc, en fait, l'éducation des enfants ayant un handicap mental, elle est née en partie dans les prisons. Et donc, cette logique de d'éduquer les enfants pour, en quelque sorte, contrôler leur avenir, c'est quelque chose qui a été assez présent dans le cas japonais depuis longtemps. On éduque les enfants pour leur inculquer à la fois des connaissances scolaires, mais aussi des valeurs morales, pour les mettre dans le droit chemin, etc. Et donc, effectivement, à un moment donné, on a pensé que l'éducation spécialisée, les écoles spécialisées étaient le meilleur endroit pour faire ça. Et donc, ça fait que le système scolaire d'aujourd'hui continue un petit peu encore maintenant, même à l'heure de l'inclusion, à fonctionner justement avec cette logique-là de est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'il faudrait peut-être exclure du système ordinaire, parce qu'en fait, il pose un petit peu des troubles à l'ordre social. Et notamment, dans les salles de classe japonaises, la question de l'ordre dans la salle de classe est quelque chose d'assez important. Il y a des attentes assez fortes en termes d'attitude, de l'attitude attendue d'un bon élève. Et donc, finalement, on va parfois avoir tendance à essayer plutôt de faire sortir de la salle de classe ordinaire les enfants qui ne posent pas vraiment problème, entre guillemets, d'un point de vue pédagogique, mais qui posent problème plutôt d'un point de vue peut-être comportemental. Et donc, je pense que ça, c'est important à souligner, parce que peut-être on parle beaucoup de l'éducation intégrative, dans le sens où on essaierait de faire revenir les enfants des écoles spécialisées vers les écoles ordinaires. Mais en fait, il existe aussi une logique inverse qui consiste à faire sortir les enfants des classes ordinaires pour les envoyer dans des endroits un peu plus spécialisés. Donc voilà, je voulais rappeler ça, le lien en tout cas entre l'éducation spécialisée et la question du redressement moral et comportemental des enfants. C'est particulièrement vrai pour le handicap mental en tout cas. Je te remercie pour ces précisions. Ouais, Ivanka, je te laisse ajouter ou rebondir même sur l'enjeu de l'intersectionnalité, si tu as plus de choses à ajouter, ou si tu as d'autres exemples japonais qui te viennent en tête sur ces dynamiques de tension qui existent. J'aimerais peut-être revenir sur l'intersectionnalité. Bon, ça sera peut-être un lieu commun, mais l'intersectionnalité n'est pas juste un concept, même s'il est un concept très opérant. C'est aussi un défi politique, c'est un défi militant qui demande de déconstruire des évidences, de créer des espaces de parole comme celui-ci, où les tensions peuvent être travaillées plutôt que les laisser à l'état de conflit non résolu. Pour ce qui est de la recherche, l'intersectionnalité, le handicap dans l'intersectionnalité ne doit pas être les trois petits points, puisque ce que je vois en classe le plus souvent, quand on demande aux étudiants, ils vont nous dire que comme axe d'oppression, on a le genre, on a la race, l'ethnicité, la classe. Le handicap est le trois petits points des axes, alors que le handicap est totalement transversal. On peut le retrouver dans une recherche sur la migration, une recherche sur la participation politique. On peut retrouver dans l'urbanisme. L'intersectionnalité doit être le handicap dans l'intersectionnalité doit toujours être présent. Ça ne doit pas être en trois petits points. Et je voulais juste revenir un petit peu très rapidement sur la France, en fait, et le droit à la scolarisation en milieu ordinaire. Il est inscrit dans la loi. Il est inscrit dans la loi au Japon aussi, mais en pratique, de nombreux enfants handicapés sont orientés vers des structures spécialisées, vers des dispositifs qui seraient adaptés, mais qui en réalité les éloignent de la scolarité classique. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'inclusion, elle ne se décrète pas uniquement par une loi. Il faut des ressources. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais pas que des ressources financières. De la formation, une formation adéquate des enseignants, des parents et des personnes concernées directement. C'est un changement profond des pratiques pédagogiques qui est nécessaire. Et voilà. Sans ça, en réalité, on va juste maintenir un statu quo d'une politique qui devrait être plus inclusive, mais qui va rester de la façade. Voilà, c'est sur ça que je voulais terminer. Je te remercie. Et d'ailleurs, sur ce sujet de l'enseignement, on l'avait également évoqué lors d'un précédent live autour du livre d'Olivia Gross, live où était invitée Laetitia également. Et ce qui me permet, Laetitia, de te laisser à nouveau, à toi aussi, la parole pour rebondir sur ces sujets, à la fois en tant qu'experte et en tant que militante. Ben, cette question de l'éducation, comme l'a dit Ivanka, les lois sont très claires. Hein, elles ont été adoptées hein, pour promouvoir l'inclusion scolaire en milieu ordinaire, mais après, vraiment... leur mise en œuvre, elle est extrêmement insuffisante. Alors, on peut parler déjà de l'accessibilité pure et simple des établissements scolaires, qui n'est encore pas une réalité partout. Ça reste aussi un problème majeur, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le manque d'accompagnement humain, notamment les AESH, hein, qui sont déjà voilà, peu nombreux et puis avec des conditions précaires, parfois. Les enfants handicapés ne peuvent même pas avoir ce type d'aide. Et puis après, moi, je parlerai aussi du fait que les AESH, c'est jusqu'au bac uniquement. On considère souvent que les personnes handicapées, après, elles n'ont pas besoin d'accompagnement humain, ou alors, en tout cas, on va plutôt nous donner cette sorte d'impression que c'est déjà pas mal si vous avez pu arriver jusqu'au bac. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun dispositif d'accompagnement humain en études supérieures post-bac. Donc là aussi, il y a quand même des difficultés. On voit bien sur le terrain entre ce que la loi dit. Et puis, pour revenir aussi à ce que disait Anne-Lise, moi, je pense qu'il y a aussi certains professionnels de l'éducation qui, justement, ne sont pas formés à l'antivalidisme, et qui aurait tendance à tenir justement ce discours comme quoi les élèves en situation de handicap n'ont pas leur place dans le milieu ordinaire, alors qu'il faudrait justement partir du fait qu'on est dans un système d'oppression, qu'ils en aient conscience, qu'il y a des choses qui sont possibles, mais qu'il faut être formé. Donc la formation est extrêmement importante aussi, et les moyens qu'on met dans la formation également. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Pour l'intersectionnalité, je pense que Ivanka a tout dit. Je pense exactement la même chose. Je te remercie. Peut-être avant de conclure et en écoutant vos discussions, on a réfléchi à cette question. C'est qu'est-ce que finalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir de réponse hein, précise. Hein, je le dis maintenant. Qu'est-ce que la recherche pourrait apporter à cette lutte commune, finalement? Qu'est-ce que, alors, je m'adresse à Lise et Ivanka, mais également à toi, Laetitia, qu'est-ce que tu pourrais attendre de la part des chercheurs dans ce combat pour la politisation du handicap? Je vous laisse réfléchir un peu, sauf s'il y en a une de vous qui veut rebondir directement, qui se sent inspirée par cette question un peu ouverte de fin d'émission. Vas-y, de dire quelque chose à chaud. Ce que ça m'a inspiré tout de suite, c'est le mot engagement. Je pense que ce que pourrait faire la recherche, ceux qui peuvent se permettre de le faire, parce que dans la recherche, on n'est pas tous aussi visibles, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais ceux qui ont les moyens, de s'engager concrètement, de ne pas avoir peur de cette objectivité axiomatique qu'il faudrait avoir, de se situer clairement et de laisser de la place à ces questions dans leur recherche, même si elles ne paraissent pas évidentes tout de suite, et faire de la recherche participative, de la recherche avec, pas de la recherche sur. Voilà. C'est super, merci beaucoup Ivanka. Anne-Lise, Laetitia, est-ce que vous voulez également ajouter quelque chose sur ce sujet? Moi, je reparle hein, de validisme, hein, mais bon, c'est aussi voilà, pourquoi je suis ici. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus de recherches sur le validisme, sur cette oppression systémique. On a énormément de documentation, de recherches sur d'autres oppressions, comme les oppressions de genre, même s'il n'y en a pas encore assez, mais il y en a quand même de plus en plus, les oppressions par rapport au racisme. Analyse, hein, je repasse le flambeau. Alors peut-être je vais rebondir juste sur ce qu'a dit Ivanka en conclusion, à savoir le fait de faire de la recherche avec et pas de la recherche sur. Et là, pour le coup, je voulais souligner que peut-être parmi les initiatives qui existent au Japon, il y a des choses qui méritent d'être notées justement par rapport à ce domaine-là. En fait, il existe au Japon tout un champ de recherche alors qui s'appelle Tojisha Kenkyu. Donc ça veut dire c'est les recherches des personnes concernées. Et du coup, c'est pas, il y a pas, parce qu'en japonais, il y a pas le par ou le pour ou le avec, tout est condensé dans le même mot. Et en fait, à l'université de Tokyo, il y a justement un centre de recherche qui est consacré à ce domaine. Et c'est un champ de recherche qui ouvre des possibilités vraiment extrêmement diversifiées. Alors notamment, ils travaillent beaucoup avec des patients des hôpitaux psychiatriques, par exemple. Et en tout cas, l'idée, c'est d'amener des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme universitaire à faire des recherches, parce que ils ont justement bien conscience que le fait d'accéder à un doctorat, c'est pas accessible pour tout le monde. Et donc, dans ce laboratoire, en fait, les chercheurs invitent vraiment les personnes directement concernées à prendre le temps d'exposer leurs idées, à faire en fait leurs propres recherches. En fait, c'est une manière de valoriser vraiment l'expertise des personnes sur leur propre situation. Donc, en collaboration peut-être avec des gens qui ont des diplômes universitaires, mais aussi en collaboration avec des pairs. Et donc, c'est une institution, une organisation au sein de laquelle se développent des choses extrêmement originales en termes de recherche sur le soin, en termes de recherche aussi sur la vie quotidienne, par exemple des choses sur comment vivre au quotidien en tant que personne schizophrène, par exemple, avec des approches qui sont très très originales et qui sortent vraiment du cadre de ce que font habituellement les médecins ou de ce que font habituellement les personnes qui font des recherches pas du point de vue des personnes directement concernées, donc un peu en rupture parfois avec ce qui paraît être les règles élémentaires de la médecine, par exemple, enfin en tout cas dans le champ de la psychiatrie, c'est un peu en rupture avec les codes habituels de la discipline. Et donc, c'est un champ de recherche qui aujourd'hui commence à être vraiment assez connu au Japon, assez reconnu et institutionnalisé. Ça existe dans le cas du handicap, mais ça existe aussi dans d'autres domaines. Et là, pour le coup, je crois que s'intéresser à ce qui se fait au Japon dans ce domaine, ça vaut vraiment la peine. Je pense que dans ce domaine-là, le Japon peut vraiment faire figure de source d'inspiration. C'est super, super intéressant. Merci Anne-Lise, et puis d'avoir rebouclé sur cette ère culturelle. Alors, il nous reste encore un peu de temps si vous voulez rebondir sur des sujets. Sinon, on finira peut-être un peu plus tôt. Je vais y arriver, pardon, un peu plus tôt que prévu. Je m'excuse auprès des interprètes. Alors, est-ce que vous avez des actualités, par exemple, à partager, chacune d'entre vous? Vas-y, Laetitia. Pour approfondir la réflexion, notamment sur le projet de loi sur l'euthanasie, c'est un documentaire, il est en anglais, mais bon, pour les anglophones, ça peut éventuellement intéresser certaines personnes. Il s'appelle donc Better of Dead de Liscar. Il est disponible sur YouTube. Liscar, c'est une actrice et une militante des droits des personnes handicapées. Et ce documentaire, il examine vraiment toutes les implications de la négation du suicide assisté, de l'euthanasie, en particulier pour les personnes handicapées. Voilà. Donc c'est intéressant de le regarder. Voilà. Et puis, sur l'actualité des dévalideux, j'en profite. Vendredi 21 février à 18h, on organise un live Twitch justement autour de ce projet de loi, et on aura la chance d'accueillir avec nous deux personnes, donc Sarah Piazza, qui est psychologue en équipe mobile de soins palliatifs et en réanimation, et elle fait partie du collectif Jusqu'au bout solidaire, et puis on aura aussi Sahara Azeg, qui est un artiste contemporain, peintre et performeur militant queer crip, donc voilà, qui viendra nous partager leur vision. Et il suffira donc de nous écouter sur la chaîne Twitch Les Dévalideuses. Voilà, merci pour C'est super, tu pourras nous enfin, on partagera le lien en description de la vidéo, là, YouTube, on rajoutera toutes ces infos. Merci beaucoup, Laetitia. Et effectivement, Liscar, que vous pouvez voir dans The Witcher, dans Good Omens également, étant Loki, je vous partage mes recommandations séries personnelles où Liscar apparaît. Ivanka, est-ce que toi, tu as des actualités également à partager, de publications, de participation à des colloques? Pas vraiment en réalité, là je. Oh bah en fait avec Anne-Lise, on va participer à un colloque en avril à Monash. Mais du coup, l'Australie, c'est un peu loin. Ah. Le décalage horaire. Voilà. Donc je pense pas que ce sera possible de participer en distanciel avec les 14 heures de décalage horaire. C'est un peu plus long là, c'est vrai que c'est un nouveau type de décalage horaire même, mais en tout cas je renverrai les articles que j'ai pu lire de toi qui sont également disponibles en ligne et qui sont très très très bien. Ce serait peut-être faire de la publicité pour des collègues qui ont fait un podcast Terre en Bac, c'est un podcast de philosophie qui interroge le travail social. J'interviens dans un épisode, du coup, allez voir Terrain Vague et ce serait très bien. Bah, c'est super, on rajoutera également alors à la description, je te remercie. Et puis bah, Anne-Lise, donc en dehors de l'ouvrage dont nous avons parlé aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors j'ai une recommandation et une actualité à venir. Alors ma recommandation, c'est pour rebondir sur ce que j'ai dit précédemment concernant ce laboratoire de l'Université de Tokyo qui est spécialisé dans ce domaine des études faites avec et par les personnes concernées. En fait, on peut trouver en français sur YouTube une conférence qui a été faite par le directeur de cet institut, donc qui s'appelle Monsieur Kumagaya. Il a fait en fait une conférence à la Maison de la Culture du Japon à Paris au mois de septembre. Et donc, il y avait une traduction en français, J'étais là pour lui poser quelques questions, mais c'est quand même surtout lui qui a parlé. Et du coup, comme la conférence est sur YouTube, je pense qu'elle y est encore, on doit pouvoir la retrouver. Donc, pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations en français sur ce sujet. Donc ça, c'était ma recommandation et une actualité. En fait, avec Ivanka, en 2021, on a organisé, on avait un grand projet de colloque qui était en 2021, donc qui a finalement été un grand projet de colloque sur Zoom, mais qui était en tout cas un colloque franco-japonais sur le handicap qui réunissait des chercheurs français et des chercheurs japonais. Et on a essayé de les faire dialoguer avec des thèmes communs. Et donc, c'était l'occasion peut-être de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à discuter en commun entre la France et le Japon. Et donc, on avait un projet de publication suite à ce colloque. Donc, c'est un numéro spécial dans la revue Alter, qui est une revue spécialisée dans les études sur le handicap, que vous connaissez peut-être. Et donc, on a demandé à certains des participants japonais, enfin à tous ceux qui le souhaitaient, de nous rendre un texte qu'on a fait traduire en français. Et donc ce numéro va bientôt sortir, j'espère peut-être au mois de mars, sinon au mois d'avril, mais en tout cas, il devrait sortir de manière assez imminente. Donc pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur les recherches qui sont faites par des chercheurs japonais au Japon, bah vous pourrez vous y référer. Bah, c'est formidable. Bah, merci beaucoup à toutes pour toutes ces recommandations. Je prends la parole pour celle du programme. Déjà, donc, l'émission sera disponible en ligne directement et on va travailler au sous-titrage. La prochaine émission, cette fois-ci, nous irons du côté du Canada, non pas pour parler de l'euthanasie, mais pour parler du logement. On recevra un chercheur québécois. Donc, ça aura lieu le 24 mars à 18h, puisque le décalage horaire nous est favorable dans ce sens-là. Donc, on ne change pas l'heure habituelle. Et dans les autres actualités du PPR, je me tourne vers Laure, qui est chargée de la communication, parce que je me rends compte que j'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié. Il y a toujours une consultation qui est disponible en ligne sur les liens science-société, à laquelle vous pouvez participer, et ça nous aiderait grandement. Et également, dans le cadre du Printemps des Humanités organisé sur le campus Condorcet, où nous avons nos bureaux, nous organisons un atelier avec l'autrice Katie Stewart autour de l'accessibilité universelle en 2070. Je crois que c'est ça. Voilà, et il reste des places si vous voulez vous inscrire. Ce sera au mois de mars. Oui, vous voyez à quel point je suis très précise sur les dates, mais tout est disponible sur notre site, notre newsletter et nos réseaux. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les trois. Donc merci Laetitia, Anne-Lise et Ivanka pour votre participation le 22 mars, pardon, l'atelier On me souffle dans l'oreillette, l'oreillette étant un chat Zoom. merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et je remercie également les interprètes de l'équipe de CILS et puis Marcel à la régie, grâce à qui tout ça s'est bien déroulé. Et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée à toi, enfin, une bonne nuit, Anne-Lise, je pense plutôt même que bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis.